Des découvertes surprenantes qui donnent la sensation de voyager ailleurs. C'est aussi ça, la Montérégie. La Montérégie, c'est notre bout du monde. Jusqu'au 28 juillet, venez tester vos papilles gustatives à l'événement Saveurs extrêmes de la Ronde. Passez du sucré à l'épicé, finissant par le sucré dans tous leurs excès. Billets ou passeport saison disponibles sur laronde.com. L'été à Montréal, c'est à RIT que ça se passe. L'ambiance parfaite en mode vacances. You starting in the start. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. À toutes les fois que je te vois sur Facebook, Jean Courgeot, t'as toujours du bon temps. Là, je t'ai vu avec Big Bird, Larry Robinson, Chris Nyland, Stéphane Richer, Pete Mahovlich. Qu'est-ce que tu fais, coudon? Marcel Dion, écoute, je suis chanceux. Je joue pas souvent, mais quand je joue, je m'en compte des tops. En tout cas, bonne fin de semaine à tout le monde. Hey, toi, là, quand tu frappes une balle au Québec, est-ce qu'elle se rend jusque dans les provinces de l'Atlantique? Quand je frappe une balle au Québec, elle reste au Québec. Thank you. short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama. As strange as when the leaves began to change, or how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Unbelievable. down the reticence, bringing out your higher self, bring the fun time, pushing down the pedestal instead of bringing the absolute to what the world, and every pick your attitude, brace yourself, you're crazy to be the unknown of this world, and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions, you help me tell no lies, you always ask what it's all about, so it's my reply. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized you should live and leave you. The things you say, your purpose just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Un party d'été comme on l'aime. DJ Ricky D. À rythme. On a décidé d'y aller, Marie-Marie, qui est un personnage ici sur les ondes des parties, sur le week-end à rythme. Marie-Marie est une régulière et c'est la première fois dans l'histoire de la radio que deux personnalités québécoises de la radio sont impliquées dans une demande officielle de mariage. Marie-Marie, personnage du 4 à 7, demande en mariage, à moins qu'elle ait changé d'idée ces dernières minutes, notre DJ, DJ Étienne, qui est avec nous en studio. Oui! Alors, Étienne est avec nous et Marie-Marie a un kick sur Étienne depuis plusieurs mois, hein, Marie? Oh oui, mais ça fait un petit bout de temps, là. On n'a pas eu de nouvelles parce que ça a été oublié. Marie-Marie demande officielle de mariage pour la première fois sur les ondes de rythme. Oui, j'aimais ses bras. Ça me faisait triper un peu de voir ses bras qui étaient élancés sur le bord d'une fenêtre d'auto. Et puis, c'est les muscles gonflés, ça me faisait un peu triper. Oui, mais parce qu'il est vraiment top shape, là. Étienne, il fait du jiu-jitsu. Il s'entraîne, il a la shape d'un joueur de football. C'est assez imposant. Étienne, est-ce que tu accepterais de devenir mon époux? Rick, j'ai pas été prévenu. J'ai besoin d'un 5 minutes au moins pour réfléchir, là. On laisse quelques minutes à DJ Étienne pour penser à la proposition de Marie-Marie en exclusivité sur le party samedi. Tombez la chemise pour les deux amoureux. Ici, laissez tomber votre pyjama, le tout petit, en écoutant Rythme en mode vacances. Les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies filles, des têtes d'acné, un homme la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, des qui voulaient pas payer l'entrée 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Attendent qu'on allume un méchant bouquin et qu'on surgisse de la scène des volcans. Tombez-la. On a tombé la chemise. Tombez-la. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Tombez-la. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Tombez-la. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Je peux dire quand j'ai fait plaisir. Pour l'été, sont ici. Et ça aussi. La musique en mode vacances. Rythme. Quand vous écoutez Rythme 105.7 et que vous avez une demande spéciale, textez ça au 11007. Des frais de messagerie texte standard peuvent s'appliquer. Rythme 105.7. Envie de mieux dormir? Endy vous offre le sommeil de vos rêves avec un matelas fabriqué au Québec. Participez au concours Endy à gagner un matelas Endy du modèle et de la taille de votre choix ainsi qu'un ensemble d'oreillers, de draps et plus pour le sommeil. Inscription au rythmefm.com. Vous avez navigué par-delà l'horizon, à la recherche d'une île absente de toutes les cartes. Vous avez affronté des krakens et bravé des tempêtes. Votre pelle a heurté le couvercle d'un coffre au trésor oublié depuis longtemps. Pendant que vous prépariez une lasagne. Il y a tant à imaginer quand on écoute. Sur Audible, découvrez les histoires d'aventure les plus populaires. On est à Route Hyundai avec Hyundai Gabriel à Pointe-aux-Trembles, Pierrefonds sur Saint-Jacques et Anjou. Financement à partir de 3,49% et rabais additionnel de 500 $ sur modèles sélectionnés. Cet été, profitez des concerts en plein air de l'OSM dans les parcs SiriusXM présentés par BMO avec vos amis et vos proches. L'Orchestre symphonique de Montréal fera des arrêts le 24 juillet à Brossard et le 27 juillet à Beaconsfield pour des concerts gratuits sur le thème du Noël des campeurs. Venez vivre des moments magiques sous les étoiles en compagnie d'André Robitaille avec des classiques de Noël tels que Casse-noisette de Tchaïkovski et La farandole de Bizet. Tous les détails sur osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec. Tanné des bouchons de circulation et d'entendre « Quand est-ce qu'on arrive? » Soyons honnêtes, on est vraiment mieux à la plage. Alors, prenez la prochaine sortie vers les escapades relaxantes de Vacances Sunwing, qui pourraient vous coûter bien moins cher. Cet été, moins de trafic et de station-service et plus de margaritas et d'aubaines de Sunwing. Voyagez pendant la période la moins chère en réservant auprès de votre agent de voyage ou sur... Que tombe la nuit. Place à la 38e édition de l'International des Feux Loto-Québec. Préparez-vous à revivre la magie de ce prestigieux spectacle pyro-musical grâce à Rythme, diffuseur officiel. Inspiré par l'excitation, la découverte et l'euphorie de l'exploration, le Canada vous convie à un voyage épique ce samedi 20 juillet. Laissez-vous transporter par des mélodies grandioses et rythmes énergiques. Soyez à l'écoute dès 19h pour notre émission spéciale avec la musique des feux. La magie de l'International des Feux Loto-Québec, seulement à Rythme. Bonne nouvelle! Tous les formats de café de torréfaction supérieure chez McDo ont désormais de nouveaux bas prix. Le petit format est à seulement 1$ plus taxes à tous les jours. Dans les restaurants McDo du Canada participants, les prix ne s'appliquent pas à la livraison. Alta Science recherche des personnes entre 18 et 75 ans souffrant de cirrhose ou d'une maladie du foie pour participer à l'étude clinique L92. Recevez jusqu'à 3 500 $ pour votre participation. Visitez goalta.ca ou appelez le 514-373-2003. Bonjour, ici Jessica de Le Beau Vitre d'Auto. Si vous avez un éclat dans votre pare-brise, il peut rapidement se transformer en fissure. Faites-le réparer avant de prendre la route des vacances. Vous pouvez compter sur nos techniciens certifiés qui s'engagent à faire tout leur possible pour réparer votre pare-brise avant de le remplacer. Pour une réparation des plus solides et garantie à vie, fiez-vous à nos experts dévoués depuis 1947. Prenez rendez-vous dans un Le Beau près de chez vous sur lebeau.ca. Détails et conditions sur lebeau.ca. Soyez des premières fêtes gourmandes de l'abbaye d'Oka. Kiosque d'exposants, amusement pour enfants, invités spéciaux et spectacles en soirée avec le Boogie Wonder Band, Kevin Parent, Marc Dupré, Martin Deschamps et Brain Leboeuf. Réservez sans tarder vos billets sur abbayeoka.ca. Les fêtes gourmandes de l'abbaye d'Oka, présentées du jeudi 25 au dimanche 28 juillet par Tourisme Laurentide, IGA L'Amoureux, Arnois Énergie et Rogers Communication. Avec Ajusto de Desjardins Assurance, vous pourriez économiser jusqu'à 25 % sur votre assurance auto. Ça mérite votre attention, comme votre portière qui est mal fermée. Achetez votre assurance auto en ligne. Des conditions et limitations s'appliquent. Le bacon à l'érable est de retour chez Tim. Du bacon fumé croustillant avec une garniture sucrée salée à l'érable et un œuf d'ici fraîchement cassé, servi sur notre nouveau croissant cheddar. Essayez le Timatin bacon à l'érable chez Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Tout comme Rythme 105.7, Mohawk Bingo à Saljanie Courtier Immobilier, les restaurants Ottavio et Tourisme Antigua et Barbuda ont fait appel au camion publicitaire Accent Média. Pour une campagne publicitaire efficace, Accent Média va où votre public cible se trouve. Cet été, en famille, venez découvrir BeFly à Centropolis Laval. Laissez-vous émerveiller par notre volière à papillons tropicaux et amusez-vous dans nos jeux gonflables géants et notre mystérieux labyrinthe de miroirs. Visitez BeFly.ca pour visiter votre place. BFLY.ca. Pourquoi le Mazda CX-50 se démarque-t-il parmi tant d'autres? Et pourquoi a-t-il été récompensé en matière de sécurité par l'IIHS en 2024? Découvrez-le pendant l'événement Découvrez Mazda. Grâce à 1000 $ de boni Mazda, il est offert à partir de l'équivalent de 109 $ par semaine. Oui, 109 $. Le Mazda CX-50 vous attend. Récompense IIHS sur CX-50 construit après août 2023. Offre valable jusqu'au 31 juillet. Location 48 mois à compte de 3 020 $. Paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui. À Montréal, la gang, ton rythme. So you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and some things I Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forsaking me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. I live it. we do behind doors, it's our business. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, and my papa like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hit and you close, telling me lies and it's killing me slow. Quoi

qu'il n'y a rien comme du beat pour amener le week-end. Week-end. DJ Ricky D. Arrête. Pa'lante María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Loco. pasito para atrás. Aunque me muera ahora, un pasito para adelante, María. María, I wanna make you mine. Un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. María, María, un pasito para atrás. María, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Allez, est-ce qu'on est dans le secteur de Sainte-Julienne? Quel est le nom du camping? Oui, on est à Sainte-Julienne, c'est le camping Chamboisy. Est-ce qu'on est en Noël en juillet? Oui, c'est Noël en juillet. Il y a beaucoup de décorations, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. C'est très agréable. Parfait. T'es avec qui? Je suis avec ma conjointe Joanne, mon beau-frère Steve et sa blonde à lui, Diane. Amusez-vous bien et continuez de nous écouter, mes tanans. Oui, effectivement, on va vous écouter. On vous écoute toutes les fantômes de temps arrêt. Merci. Go bisous, la gang. Merci à toi aussi. OK, Nancy, qui est-ce qu'on salue dans le secteur de Sainte-Agathe qui en a besoin? On salue mon amie, ma meilleure amie, Marie-Claude, qui est une cicatrice en or. Puis, ben écoute, elle débute ses vacances, puis je pense qu'elle a besoin de recharger ses batteries. Fait que ce soir, j'ai fait son souper. Puis en plus, ben je la sors au Carole à Gogo à Saint-Aurore. Oh, au Carole à Saint-Aurore. Oh, l'espace Carole à Gogo. Attention, les filles sont au village. Oh, que oui, c'est le parfait ce soir. Jusqu'à 7 heures à la radio. Fait qu'Éric, qui est-ce qu'on pourrait saluer sur les ondes? J'aurais beaucoup d'amis. Ben, moi, je suis DJ aussi, moi. DJ Éric, on est trois DJ, là, présentement. Il y a DJ Étienne, DJ Éric, DJ Ricky D. Hey, qu'est-ce que tu penserais qu'on s'envoie la musique de Janet Jackson, Doobie Brothers, CC Peniston et Khaled sur le 4 à 7? T'es d'accord? Je suis d'accord à 100%. Très bon choix musical. C'est vraiment vous êtes ma station préférée. I'm L'été, ça sonne comme ça. Ah, puis celui-là aussi. La playlist est parfaite. En mode vacances. C'est l'histoire d'une fille qui trippe tellement à vous jouer les plus gros hits le week-end. Salut, c'est Caro. Ce week-end, gagnez vos billets pour la famille, pour le parc aquatique Saint-Sauveur. It's not right, but it's okay. Votre musique en mode vacances et les plus gros cadeaux. Rythme le week-end. Demain à 11h. À Rythme 105.7. Que tombe la nuit. Place à la 38e édition de l'International des Feux Loto-Québec. Préparez-vous à revivre la magie de ce prestigieux spectacle pyro-musical grâce à Rythme, diffuseur officiel. Inspiré par l'excitation, la découverte et l'euphorie de l'exploration, le Canada vous convie à un voyage épique ce samedi 20 juillet. Laissez-vous transporter par des mélodies grandioses et rythmes énergiques. Soyez à l'écoute dès 19h pour notre émission spéciale avec la musique des feux. La magie de l'International des Feux Loto-Québec, seulement à Rythme. Les passagers du vol Bene et compagnie à destination de l'Italie sont priés de se présenter en salle à manger, au service au volant ou à la livraison pour obtenir leur carte.